craqué, le café renversé. Je sentais bien que la journée était mal commencée. Plus tard, la caisse était cassée avant que craque l'écran, mettant la gomme.